Février 1680, une femme est brûlée vive sur la place de Grève. C'est la fameuse empoisonneuse, surnommée Lavoisin, qu'on exécute. « Allez tous vous faire foutre !» hurle-t-elle en s'agitant comme une possédée. Découvrez la véritable histoire de l'empoisonneuse du Roi Soleil, racontée avec truculence et verdeur par Isabelle Duquesnoy. Un monde terrifiant, mais bien réel, où se mêlent vie à la cour, exorcisme, meurtre d'enfants et sacrifices. La Chambre des Diablesses, le nouveau roman historique d'Isabelle Duquesnoy, aux éditions Robert Laffont. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Vivre ou survivre, histoire des métiers de la rue. Dans les années 1890, le chansonnier Aristide Bruand fait paraître un recueil de ses chansons. Il l'intitule « Dans la rue ». À la Villette et à Batignolles, à Montparnasse et à La Roquette. Et puis, bien sûr, nous y croisons toute une galerie de personnages, un philosophe et un songeur, un récidiviste et un gréviste, bien sûr, Nini Potchin, et quelques grelotteux. Il y a ceux qui n'ont pas de domicile, mais dans ce cas-là, ils peuvent toujours compter sur une bonne copine. Le problème, c'est que j'étais logé par mon patron, alors je suis à la rue, là. Qu'est-ce que tu vas faire ? Oh, je sais pas, je vais trouver un truc... Non, le problème, c'est pour ce soir, mais... Bah, tu veux dormir ici ? Oh, non, tu plaisantes. Non, je vais m'arranger, non. Ça serait chez Daniel, je dis pas, mais là, c'est chez toi, on se connaît à peine. Bah, justement, on fera connaissance. Oh non, ça me gêne. Écoute, on va pas te laisser à la rue. Bon, bah, merci, alors. J'essaierai d'être le plus discret possible. De toute façon, c'est juste pour 2-3 nuits, hein, le temps que je trouve quelque chose. Bah, t'as pas pris tes affaires ? Si, mais... Là, je les ai laissées dans l'escalier, pour pas encombrer. Voilà, parce qu'il ne faut jamais vraiment encombrer un extrait du film « Viens chez moi, j'habite chez une copine » de Patrice Lecomte en 1981. Bonjour Laurence Fontaine. Bonjour. Nous parlons de la rue, nous parlons des métiers de la rue. Il faut rappeler hein, l'intensité de la vie des rues des temps passés. C'est-à-dire qu'on y vivait, on y travaillait, il y avait cette activité, ce côté foisonnant. Absolument. La rue, en fait, il n'y avait pas vraiment de frontière, ni entre la rue et la maison, ni entre les boutiques et la rue. C'est un imbroglio absolument inouï. Et on imagine les boutiques qui débordent sur la rue, les charrettes des petits colporteurs, les marchandes qui passent avec leurs paniers sur l'épaule, avec des quantités de petits fruits, la raccommodeuse de bas, les causseuses de poids, le rempailleur de chaises. En même temps, on voit aussi les porteurs d'eau, les porteuses d'eau également, les ramoneurs de cheminées. Et avec tout ça, il y a aussi des carrioles qui passent, des calèches, des coups de fouet. On sort pas indemne de se promener dans la rue. Cette rue doit se comprendre, en tout cas l'activité dans la rue. Par les logements, avoir des petits logements et être plusieurs dedans nécessite pour beaucoup de gens d'être dans la rue. C'est beaucoup plus confortable d'aller discuter dehors. Oui, non seulement c'est plus confortable d'aller discuter dehors, mais en plus il y a très peu de moyens de chauffage dans la plupart de cuisson dans la plupart de ces logements. Et donc la rue c'est aussi une immense chaîne de revente, de cuisine, de préparation de petits plats, et finalement où même les gens vont porter ce qu'ils ont fait pour le faire cuire. Donc il y a vraiment, c'est ça, une imbrication entre le logement et la rue. On peut souligner que le fait d'être dans la rue ne signifie pas obligatoirement être pauvre. Avec tout ce que vous nous dites, Laurence Fontaine, on sent bien qu'il y a de l'activité dans la rue. C'est-à-dire que certains travaillent dans la rue et peuvent gagner leur vie confortablement, peut-être pas, quoique. Hein, il y a des écarts immenses de ce qui est possible dans la rue. Oui, absolument, parce que je vois des... Par exemple, les petits colporteurs, non seulement ils ont vendu quantité de petites choses, mais ils ont vendu aussi le populux, le luxe pour les pauvres. Et les études qu'on a montrent, par exemple, un exemple, que les montres se sont diffusées essentiellement à travers la rue et par le colportage. Donc ceux-là sont devenus riches. Mais il ne faut pas oublier quand même que la définition du pauvre à l'époque, c'est celui qui n'a... C'est celui qui n'a que son travail pour vivre. Et à partir du moment où on n'a que son travail pour vivre, la moindre maladie, le moindre manque de travail font de vous un pauvre. Et donc toutes les classes populaires sont menacées de pauvreté. Vivre pauvre, quelques enseignements tirés de l'Europe des Lumières. C'est l'ouvrage que vous publiez, Laurence Fontaine, chez Gallimard, avec cette définition même de ce qu'est un pauvre. Et vous commencez sur cette question-là. D'ailleurs, un pauvre ne veut rien dire. Il y a les pauvres. Il y a plein de types de pauvres. Oui, absolument. C'était l'idée du livre. C'était de montrer, un, que la pauvreté est un risque à cette époque. Il n'y a pas d'état social, il n'y a pas de filet de sécurité. Ou plus exactement, les pauvres passent leur vie à essayer de s'en construire. Et aussi que tout le monde n'est pas égal devant les capacités de lutter contre la pauvreté. Et donc, il faut prendre, justement, à travers cette diversité de pauvres, une femme n'a pas les mêmes capacités à s'en sortir qu'un homme, selon l'endroit où ils habitent, selon leur handicap physique, leur âge. Et donc, il faut prendre en compte tout ça pour se rendre compte de qu'est-ce qu'une vie de pauvre et comment on arrive à vivre en étant pauvre. Oui, parce que faut le souligner, le rappeler sans cesse, il n'y a aucune sécurité. Nous sommes dans un moment où la conjoncture, mais la conjoncture c'est un mot très vaste pour dire la maladie, le froid, peut entraîner immédiatement la pauvreté. Et même tout simplement les saisons. En hiver il fait froid, il y a plein de métiers qu'on ne peut plus exercer, maçon, bah oui ça gèle, bah voilà, on a des pauvres. Absolument. Il faut vraiment montrer cette discontinuité du travail. Les gens, le travail régulier, c'est quelque chose de très rare. Il y a une discontinuité des opportunités. Tout le monde essaye de travailler dans toutes les voies possibles pour essayer aussi de lutter contre le chômage ici, là, pour multiplier. J'adore citer cette réplique de Figaro dans Beaumarchais qui dit perdu dans la foule obscure, il m'a fallu simplement pour survivre plus d'intelligence et de calcul qu'on en a mis depuis 100 ans pour gouverner toutes les Espagnes. Et c'est ça, il faut une science absolument inouïe pour arriver à traverser les épisodes de maladie, les mauvaises conjonctures et tout ce que toute famille rencontre à ces époques-là. C'est le monde de la débrouille. Absolument, c'est le monde de la débrouille. Mais il y a la volonté aussi de la part d'une partie de la société de combattre la pauvreté. Combattre la pauvreté. Bonjour Axel Brodier-Dolino. Bonjour. C'est un livre que vous publiez, un CNRS édition. Combattre la pauvreté, c'est un mot très large, combattre cette idée-là. On peut tirer l'idée sur un temps long parce que il y a déjà une lecture qu'on pourrait simplement placer du côté de la religion où la pauvreté est quelque chose de très ambigu. Le Christ était pauvre, il y a la charité. Donc l'idée de combattre la pauvreté, ça s'inscrit sur un ton très long. Alors, ça, effectivement, et ça s'est profondément recomposé, on est passé par différentes étapes. Déjà, il y a ceux qui veulent combattre la pauvreté, mais ceux qui veulent combattre les pauvres, qui a été toute une partie qui nous a emprunt pendant quasiment 650 ans. En fait, au début, le pauvre, dans la Bible, la parabole du jugement dernier, mais aussi jusqu'au XIIIe siècle, avec les ordres mendiants, la pauvreté, c'est l'image du Christ sur terre. Le pauvre, il représente le Christ. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, c'est vous. Et donc, la pauvreté, elle est tolérée et elle est même acceptée. Les aumônes sont extrêmement fréquente, banale, et elle est même parfois sanctifiée. Il y a un moment très important à avoir en tête, c'est le passage du XIVe siècle, où on a une conjonction, donc on est à la fin du Moyen-Âge, on a une conjonction de phénomènes économiques, on a des crises, on a un surpeuplement, la croissance démographique, on a l'essor des villes, et puis on a la grande peste noire qui va arriver, dont on a beaucoup parlé pendant la Covid, qui va du coup faire flamber les coûts de la main-d'œuvre. Et pour toutes ces raisons, à la fois sanitaires, on a peur des migrations, des épidémies, on a peur des migrations par hausse du coût de la main-d'œuvre, on veut sédentariser les gens, on va prendre des lois extrêmement drastiques, extrêmement dures, qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui, contre les mendiants et les vagabonds. La première, c'est 1351, et jusqu'à la fin du 19e siècle, on aura des lois. Faut imaginer que les mendiants et les vagabonds, alors qu'ils sont deux figures très spécifiques et très importantes, quand on parle des pauvres, on a dit qu'il y a une extraordinaire diversité sociologique. Mais il y a deux figures politiques qui sont extrêmement importantes, c'est les mendiants et les vagabonds. Le mendiant, c'est celui qui fait l'aumône dans la rue. Le vagabond, c'est celui qui va errer de village en village et qui est perçu comme un danger qu'on essaye de sédentariser. Ces mendiants et ces vagabonds vont être, pendant toute l'époque moderne et jusqu'à la fin du XIXe siècle, l'objet des édits les plus et des ordonnances les plus cruelles. Couper les oreilles, marquer au fer rouge, bannir, exposer au pilori, envoyer aux galères, voire être pendu. Donc en fait, on hérite de ça, on hérite de 650 ans jusqu'à la fin du 19e siècle, puisque en fait, la pénalisation du vagabondage et de la mendicité, elle est dans les édits et ordonnances de l'époque moderne, mais elle est inscrite dans le code pénal de Napoléon en 1810. On en fait explicitement des délits. Et ce qu'on ne sait pas, c'est, imaginez-vous combien de temps il a duré ce code pénal. Il a été aboli en France en 1994. C'est-à-dire que c'est hier à l'échelle de l'histoire, que jusqu'à hier, être vagabond ou mendiant, c'était quelque chose de pénal. On était dans un caractère délictueux. Et donc encore dans les années 80, on pouvait être raflé par la police, on pouvait être emmené dans des succès d'années de dépôt de mendicité. Nanterre, c'était la hantise des mendiants et des vagabonds qui étaient devenus entre-temps des clochards et puis après des SDF et des sans-abri. Donc ça, c'est l'histoire de la répression qui s'étiole extrêmement lentement. Et il y a quand même un passage à la fin du 19e siècle avec la Troisième République, avec la Grande Dépression, le chômage de masse, avec la prise de conscience de l'inanité de la répression. Ça, en fait, ça ne guérit rien d'envoyer les gens au dépôt de mendicité. Une prise de conscience de médecins, de juristes, d'hommes politiques, qu'en fait, il faut passer de la répression à l'assistance. Et ça, c'est une période fondamentale dans notre histoire. Cette période qui va des années 1880, 1890, 1900, ce tournant du XXe siècle, où on passe de la répression à l'assistance. Les dépôts de mendicité vont être petit à petit abandonnés. La répression connaît un acmé durant la Grande Dépression, parce que il y a beaucoup de vagabonds qui cherchent du travail. Il y a du chômage, il n'y a pas de travail. Le travail est extraordinairement précaire ou absent. Donc on en cherche, on se balade sur les routes, on va de village en village ou on va en ville pour essayer de trouver de quoi survivre. Mais après, à partir du début des années 1900, on a un regard beaucoup plus compassionnel de la société et beaucoup de structures charitables qui s'étaient déjà développées au 19e siècle. Le 19e siècle, c'est le beau siècle des congrégations, des structures paroissiales. C'est le siècle de l'armée du salut, des conférences de Saint-Vincent de Paul. Et à la fin, dans ce basculement, ce moment extrêmement important dont je vous parlais, la fin du 19e siècle, arrivent les asiles de nuit, qui est quelque chose de très important pour notre question de la rue, puisque les sans-abri ou les sans-domicile ne sont plus à la rue, mais peuvent être accueillis dans des structures. Et d'ailleurs, c'est la différence, il y a deux mots qu'on emploie souvent assez indifféremment, le sans-abri et le sans-domicile, ça n'est pas la même chose. Le sans-abri, stricto sensu, c'est quelqu'un qui n'a vraiment pas d'abri, il n'a pas de toit, il est dans la rue. Le sans-domicile est quelqu'un qui peut avoir un hébergement ou être hébergé chez des tiers, c'est la définition de l'INSEE encore aujourd'hui. Et donc, en fait, le sans-abri, c'est le mot émergé, c'est un dixième, en fait, de l'ensemble du sans-domicilisme, si on peut utiliser cette expression. Et les asiles de nuit, du coup, c'est une réponse en termes d'hébergement qui fait changer les réponses à la fois plus assistentielles, plus empathiques, même si on essaye toujours de les mettre au travail. Il y a toujours des structures de mise au travail à côté des asiles de nuit dès leur création. Le premier asile de nuit en France, c'est 1872 à Marseille. Et ils vont beaucoup se développer à la fois par c'est des structures d'émanation privée, charitable, pour beaucoup catholiques, mais protestantes aussi, par exemple l'armée du salut. Et comme on a à cette époque, à la fin du 19e siècle et au début du 20e, cette Troisième République qu'on connaît, qui est laïque, qui essaye de marquer son territoire face à l'Église, d'instaurer une assistance publique, et ben les municipalités républicaines vont se mettre aussi à construire des tas d'asiles de nuit, parfois juste à côté de ceux des structures privées. Donc il y a une concurrence du monde charitable et ça va du coup forger un paysage assistentiel d'hébergement qui est l'ancêtre d'aujourd'hui. Sans abri, sans domicile fixe, mendiant, vagabond, c'est vraiment une histoire de vocabulaire, hein, cette histoire qui nous intéresse, de ceux qui vivent ou survivent dans la rue. Laurence Fontaine, vous l'écrivez de manière très nette, hein, dans votre ouvrage « Vivre pauvre », l'acception du mot « pauvre » a évolué au cours des siècles, ça, on l'a bien compris, et aujourd'hui, c'est un seuil économique, on voit bien, on mesure de l'argent. Dans cette histoire-là, cette histoire de la définition de ce qu'est un pauvre, il y a une histoire de regard qui est très forte, qui est très prégnante, le bon et le mauvais pauvre. Comment ça se définissait, ça ? En fait, quelque part, la société était clivée. Primitivement, l'ensemble de la population, la grande majorité de la population, pour eux, le pauvre, c'est un fainéant. C'est juste un paresseux, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de travailler, et qui plus est, qui mène grande vie. C'est-à-dire qu'il fait des aumônes, il rapporte énormément d'argent, et ensuite il va faire des fêtes, il va aller se lancer dans la luxure. Mais il y a un certain nombre de penseurs autour de Turgot dès le XVIIIe siècle. J'en ai rencontré beaucoup dans l'étude de ce concours de Chalon sur lequel j'avais travaillé, qui estiment qu'il y a aussi une raison économique. Les gens n'ont pas de travail. Alors on ne peut pas leur incriminer à tous le fait d'être que des paresseux. Et du coup se développe un courant de pensée qui dit il ne faut pas confondre le mauvais pauvre avec le bon pauvre. Le bon pauvre, c'est celui qui a un domicile, qu'on connaît et qui essaye de mendier dans les interstices, parce que il faut quand même dire que la mendicité, c'est le fondement de la société. L'inégalité entre les classes privilégiées et les classes populaires, elle est légitimée par la charité. Et elle n'est pas légitimée par le sang ou quoi que ce soit, elle est légitimée par des qualités morales. Et donc l'aristocrate se doit de faire la charité. Et du coup, le pauvre, il remercie dans un geste humble. Et on a comme ça un bon fonctionnement de la société. On donne et l'autre remercie. Ça fait que beaucoup de personnes refusent même d'abandonner la mendicité et que les pauvres, ils ont très bien compris comment jouer avec cette mendicité. Donc, on a beaucoup de pauvres qu'on arrête sur les rues ou pareil. Ils ont de l'argent dans leur poche et ils vont dire je voulais changer de métier, je voulais acheter un petit peu des petites babioles pour pouvoir vendre. Ou bien, il y en a même un qui dit je préparais ma retraite. Parce que il n'y a pas une autre, elle en a plein sa ceinture et elle explique que, ben oui, elle n'ose même pas montrer son argent, on a peur qu'on ne lui en donne plus. Et donc il y a tout un, et puis tout le monde, toute personne qui s'en va pour un procès, pour n'importe quoi, mendie. Les portes des couvents donnent leur cuisine certains jours et tout le monde s'arrête, c'est des attroupements, les gens se plaignent, les ouvriers arrêtent de travailler, ils vont tous manger à la porte des couvents. Donc il y a vraiment cette charité, c'est complètement structurel dans la société. Oui, parce qu'il y a la charité chrétienne, religieuse, pas uniquement sur cette lecture-là, une charité qui est une posture d'aristocrate, et partout, oui, il y a des mendiants. La charité, mon bon monsieur, ayez pitié d'un pauvre aveugle. Me prenez garde en marchant, messire, je me traîne sur le sol comme une lame. Un peu de pain, s'il vous plaît, je n'ai plus ni bras ni jambes. Ah, il faut que je la mine bien au monnière pour me demander ainsi la charité. Mais je n'ai rien, vous dis, je n'ai rien. Pas même une chemise sous mon pourpoint. Ah, un bon mouvement, messire. Mettez la main à votre gousset. Mais lâchez-moi. Je ne peux pas, mes yeux sont aveugles. Si je vous lâche, je tomberai. Et vous, là, pourquoi me tenez-vous les jambes? Je rampe, messire, comme un ver de terre. Cela ne vous fend pas le cœur. Tant de drôles que vous êtes. Écartez-vous. Lâchez-moi. Une adaptation radiodiffusée de Notre-Dame de Paris, le roman de Victor Hugo. Alors, l'écriture du roman, ce sont les années 1830, mais l'histoire qui est racontée, c'est le 15e siècle, avec cette figure du mendiant. Axiel Brodier-Dolino, ça devient presque un stéréotype, et là, on le voit bien à travers la littérature. Là, c'est le mendiant de la cour des miracles. Oui, mais alors ce qui est très intéressant dans cet extrait et qui fait écho à ce qu'on vient de dire à l'instant, c'est donc comment se construit, se départage cette figure du bon pauvre et cette figure du mauvais pauvre. Et en fait, il faut bien avoir à l'esprit deux critères qui s'entrecroisent. Le premier, c'est est-ce que la personne est originaire d'ici ou d'ailleurs ? D'ici, c'est la paroisse, c'est le lien d'interconnaissance. On sait qui elle est, on connaît ses attaches communautaires. Elle a des attaches, elle est affiliée à la société. Et donc cette personne-là, mérite assistance. D'ailleurs, on utilise toujours le terme de méritant. En anglais, c'est deserving, undeserving, c'est le même terme. Est-ce que vous méritez ou non l'assistance ? Si vous êtes d'ici, vous êtes quelqu'un qui mérite d'être assisté. Et si vous êtes d'ailleurs, en revanche, vous n'avez pas ce qu'on appelle votre domicile de secours dans la localité. Et donc, vous êtes à la charge de façon indue de la commune. Et donc, vous êtes plutôt prié de retourner de là d'où vous venez. En tout cas, au 19e siècle, ça devient très clair. Et aujourd'hui, ça l'est de plus en plus avec un élargissement des frontières. Parce que au début d'être d'ailleurs, c'était juste d'être du village d'à côté, et après c'est d'être dans un département d'à côté. On vous renvoyait dans le nord de la France quand vous étiez dans le sud, et après on vous renvoyait dans le pays d'à côté, et aujourd'hui on voit que les frontières se sont encore élargies. Et l'autre critère qui est fondamental et qui s'entrecroise avec celui de la localité, c'est de la capacité au travail. Est-ce que vous êtes capable ou incapable de fournir un travail? Si vous êtes un infirme, si vous êtes une personne âgée, si vous êtes un enfant, alors un enfant c'est moins vrai parce que pendant longtemps il y a eu travail des enfants, et ben vous méritez l'assistance. Et là, du coup, c'est toute cette question des infirmes qu'on voyait dans votre extrait, des gens qui se fabriquent des infirmités, ils font semblant d'être aveugles, ils font semblant d'être cul-de-jatte, ils font semblant d'être, etc., de boiter, pour du coup susciter cette charité. Parce que les infirmes ne peuvent pas travailler et les vieillards ont déjà contribué à la société et donc ils méritent en retour l'aide de la société. Et donc, c'est cet entrecroisement de ces deux critères, la localité qui est les attaches communautaires et la capacité à fournir un travail à la société, ne pas être un parasite, ce qui du coup permet de comprendre aujourd'hui des discours qu'on a sur les assistés. En fait, qui contribue ou pas, est-ce que vous vous rendez à l'échelle de ce que la société vous a donné? Ça définit les critères des bons et des mauvais pauvres et c'est encore très structurant aujourd'hui. Et l'autre chose que je voulais rajouter, si je puis me permettre, c'est la question extrêmement intéressante de la terminologie qu'on utilise pour parler des pauvres que vous avez évoqué tout à l'heure. Et en fait, c'est drôle à regarder cette évolution des termes parce que, par exemple, au 19e siècle et encore au début du 20e, on parlait d'indigent. Dans les premières lois sociales, on parle d'indigent parce que c'est un terme qui est encore assez frais, pas très connoté. C'est quelqu'un qui n'a pas de quoi survivre. Et après, vous regardez comment ça s'est déplacé dans les années 50, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on parlait d'économiquement faible. C'est-à-dire qu'on retourne à une conception complètement monétaire, des gens qui, à nouveau, n'ont pas assez d'argent. Et puis après, pendant les 30 Glorieuses, on n'avait plus du tout cette conception monétaire. On parlait d'inadaptés sociaux, d'asociaux, de marginaux. C'est-à-dire que là, on a une conception normée, des gens qui ne sont pas dans les bonnes normes de la société, qu'il faudrait rééduquer. On parlait de réadaptation sociale. Le travail social, c'était de la réadaptation sociale. Et c'est une conception en termes de lien social. Quand vous êtes marginal, quand vous êtes inadapté social, il faut vous réinsérer dans la société. Et puis après est arrivée la crise économique, celle des années 80, enfin des années 70, qui a fait surtout 1800. Des... Non, là, pour le coup, dans les 1900. Vous êtes un siècle. En fait, les termes ont assez peu évoqué pour parler des pauvres. Entre le 19e et le 1er 20e siècle, on parlait beaucoup de pauvres et d'indigents, mais on n'avait pas tant de ça que d'autres termes, alors que, par exemple, dans le champ du handicap psychique, ça a beaucoup évolué. On parlait de fous, après on parlait d'aliénés, après on parlait d'imbéciles, d'idiots, etc., qui sont des termes aujourd'hui très stigmatisants. Mais pour ce qui est des pauvres, à partir des années 1980, quand il y a eu cette crise économique, on s'est remis à avoir des conceptions monétaires, on parlait des nouveaux pauvres et puis on parlait aussi des sans-abri qui a une conception en termes de lien au logement, mais le nouveau pauvre c'est à nouveau une conception monétaire. Et puis dans les années 1990, avec l'ancrage de la crise, est arrivé le vocable de l'exclusion. On parlait plus de pauvres, on parlait d'exclus. Et là du coup arrive une conception à la fois beaucoup plus pluridimensionnelle parce qu'on est exclu du revenu, de l'emploi, du logement, de la participation civique et politique, etc. Mais l'exclusion, c'est aussi un terme qui est intéressant parce que c'est un terme qui n'est plus un terme de lien vertical dans la société. Il n'y a plus des dominants et des dominés. Il y a des gens qui sont au centre et des gens qui sont en périphérie et qu'il faut réinsérer. Et donc, il ne faut plus les réadapter. C'est les politiques d'insertion. Et depuis les années 2000, on parle aussi de gens vulnérables, etc., qui là est beaucoup plus quelque chose d'ontologique parce qu'en fait, on est tous vulnérables. Et donc, ça repense autre chose de la société. Donc les termes, c'est vraiment quelque chose à prendre au sérieux. Pour l'historien en particulier, c'est un analyseur de la façon dont la société pense les personnes en difficulté. Laurence Fontaine. Oui, ce regard des élites est extrêmement intéressant et Axel l'a très bien défini. Maintenant, si on se place du point de vue de ce pauvre et de ce vagabond, on a quelque chose d'un petit peu différent, dans la mesure où ils ont des liens entre eux. C'est-à-dire que la définition du vagabond au XVIIIe, c'est quelqu'un qui n'a ni bien, ni travail, ni maison, et qui n'a personne pour l'avouer. Et ça, c'est très important. On demande en fait aux personnes qui se promènent, aux mendiants, de trouver une élite qui va dire « je le connais, c'est quelqu'un de très bien ». Ça, c'est le bon et le mauvais pauvre. Mais en même temps, on se rend compte que toutes les classes populaires, comme je vous l'ai dit, sont menacées de pauvreté. Et donc, elles ont une solidarité entre elles. Et on voit, par exemple, dans les villes, la population qui s'élève dès qu'on veut attraper un petit colporteur. La population qui se met à courir et derrière ce qu'on appelle les chasse-gueux, c'est-à-dire des employés qui sont là pour virer tout ce qui est mendiant ou vagabond. On se rend compte aussi qu'ils ont des liens. Ils ont des liens familiaux. Même les vagabonds, ils ont des liens familiaux avec des gens du village, parce qu'ils se déplacent, mais ils repassent. Et donc, il y a toute une solidarité populaire qui est très importante à comprendre et qui rend justement ce discours des élites entre les mendiants, les exclus, beaucoup plus complexe que le discours qu'ils en donnent. D'autant que mendiant, c'est pas un métier. On fait plein de choses, vous nous l'avez dit, Laurence Fontaine, il y a énormément de débrouillardises, il y a plein de petits métiers. C'est-à-dire que quelqu'un qui va faire la mendicité à un moment particulier, à la sortie de la messe par exemple, peut travailler dans la rue, faire plein de choses. Mais d'ailleurs, dans les dépôts de mendicité, quand on arrête les mendiants et les vagabonds, pratiquement tous ont un métier. Et ils ne disent pas qu'ils ont un métier pour faire plaisir, ils ont un métier. Ouais, et dès lors, la police, elle, est à la recherche de tous ceux qui sont dans la débrouillardise, parfois à la limite de la légalité. Attention, police. Rien de plus fréquent et rien qui déshonore plus notre législation. On voit souvent un commissaire avec des huissiers courant après un vendeur de hardes ou après un petit quincailler qui promène une boutique portative. On dépouille publiquement une femme qui porte sur son dos et sur sa tête une quarantaine de paires de culottes. On saisit ses nippes au nom de la majestueuse communauté des fripiers. On arrête un homme en veste qui porte quelque chose enveloppé sous son manteau. Que saisit-on ? Des souliers neufs que le malheureux avait cachés dans un torchon. Les souliers sont enlevés par ordonnance, cette vente devenant attentatoire à la cordonnerie parisienne. Un extrait du tableau de Paris de Louis-Sébastien Mercier. On se trouve dans les années 1780. Une lecture de Jeanne Delecroix. Laurence Fontaine. Alors, il y a ça. Bon, cette dame qui avait ses 40 culottes, cette autre qui avait des souliers neufs. Alors, les souliers neufs, on peut douter que ce soit les siens. On peut imaginer qu'il les a trouvés, qui étaient là. Ou alors, on lui a donné en geste de charité. Tout est possible, en fait. Il y a, dans ce monde-là, tous les moyens de subsistance, parce que c'est vraiment ça, c'est du quotidien. Oui, absolument, tout est possible. Et surtout, tout le monde est marchand. Les culottes que la femme porte sur sa tête, peut-être qu'une fripière lui en a donné. Peut-être qu'elle les a retaillées, parce que les femmes faisaient souvent cela, dans des vieux vêtements, dans les parties nobles, enfin, qui n'ont pas été usées. Peut-être que c'est un ouvrier en chambre qui a fabriqué des chaussures et qui les a portées sous son manteau. Finalement, il faut aussi se dire que la rue, le marché, c'est un enjeu que tout le monde veut s'approprier. On est encore dans des sociétés corporées, donc les corporations, et ils veulent chasser toutes les personnes qui se mettent à leur faire concurrence. Tous ces petits colporteurs, toutes ces petites femmes qui vendent des produits moins chers, peut-être de provenance un peu douteuse, mais le consommateur est très content, on veut aussi les chasser. Et puis, il y a l'idée d'hygiène qui commence à se répandre. Tout ça, ça porte le choléra, ça porte... Et au 19e siècle, on va enlever des centres-villes tous ces marchés de seconde main. Donc, toutes ces idées, l'atmosphère, l'hygiène, et puis après, là, avec l'abolition des corporations, l'État a besoin d'argent, il crée des patentes qui sont mal fabriquées, ce qui fait que les pauvres n'arrivent pas à les payer. Et voilà. Donc, finalement, la rue va en quelque sorte se normer. On va voir aussi des vitrines qui vont se mettre dans les boutiques. Et puis, il y aura un engouement extrême pour tous le moindre petit commerçant va vouloir avoir sa vitrine. Mais ça sépare les rangées de saucisses qui déboulaient dans la rue. Ça sépare tout ce monde de la rue qu'on avait décrit auparavant. Sauf que beaucoup n'ont pas les moyens de durer et que, bien sûr, c'est un turnover absolument. Mais il y a petit à petit cette volonté de discipliner la rue. Discipliner la rue, mais c'est ça en fait, on voit bien ce grand mouvement de la société avec ce désir de contrôler l'ensemble de tout ce qui compose la société, de tous les individus. Et une chose que je voulais dire absolument, les vagabonds. les vagabonds, ils dorment aussi chez les gens, parce que une autre des stratégies de survie, enfin, des économies populaires, c'est Airbnb. On loue sa maison, on loue un lit, on loue une chambre, on loue un tout petit espace. La moitié des personnes qui font ça sont d'ailleurs des veuves, parce que les femmes ont beaucoup moins de capacité de vivre que les hommes. Et du coup, il y en a beaucoup qui accueillent des vagabonds la nuit, qui dorment là pour très peu d'argent. Et bien évidemment, dans cet effort de discipliner la rue et ses hôtes, les autorités vont demander des livres, etc., etc., et vont essayer de contrôler. Mais c'est pour dire toute cette imbrication entre, ben justement, le vagabond qui est gardé, le chasse-gueux qui est chassé par les classes populaires, l'émeute pour conserver un mendiant. Donc, il y a une fluidité extrême que les autorités vont avoir de cesse d'éteindre. Ouais, ben c'est ça, hein, les patentes, dès qu'on veut vendre un petit truc et puis dès qu'on veut héberger quelqu'un, il faut le noter sur un livre. Axel Brodier-Dolino. Oui, en fait, là, c'est vraiment très important, cette question. Est-ce que les sans-abri, les personnes qui vivent à la rue, sont des inclus ou des exclus? Et c'est quelque chose qui est aujourd'hui encore extrêmement structurant, à la fois dans les questionnements des historiens, mais aussi, en fait, dans la pensée politique. Est-ce que ce sont des gens radicalement autres, ou est-ce que, en fait, on peut s'y identifier, c'est des potentiels nous-mêmes? C'est vraiment ça qui est en jeu. Alors, à la fois, effectivement, ils sont exclus parce qu'il y a cette image de l'homme isolé, le vagabond au 19e siècle. On a toujours cette représentation du cheminot tout seul, marginal, un peu ermite de la société, voire souvent dangereux. Et ce qui a fait les grands titres des journaux, c'était par exemple à la fin du 19e siècle, l'affaire Vacher, qui était ce criminel atroce et qui du coup construisait cette image, qui l'asseyait et qui entretenait l'idée que ce seraient des individus extrêmement isolés en marge du corps social. Et au 20e siècle, c'est l'image du clochard complètement désocialisé, qui est tout seul, qui est abîmé physiquement, psychiquement, qui est noyé dans l'alcool, qui est en fait, comme s'il n'y avait plus de lien possible avec la société, il était descendu trop bas. Et cette image, ce terme de l'exclusion lui-même, qui dit à quel point on a l'image de personnes radicalement autres. Et en fait, tout ce que la sociologie et l'histoire nous montrent, c'est que ce ne sont pas des autres. C'est que c'est des nous-mêmes, c'est que c'est des individus qui simplement ont été victimes. Alors là, il y a deux paramètres à avoir en tête, c'est d'une part les attaches communautaires et d'autre part le travail. Quand vous perdez ou bien vos attaches familiales, parce que la famille se disloque, parce que vous perdez vos parents, parce que vous perdez votre mari, votre femme, etc., ou que vous êtes trop vieux et que vous devenez en marge de la famille, vous rentrez dans une zone de grande vulnérabilité, de fragilité, et quand vous perdez votre travail, c'est pareil. Et donc quand on perd les deux, là on rentre dans une zone extrêmement dangereuse qui fait basculer souvent dans la mendicité et le vagabondage. Mais en fait, ces gens-là, ils ont une famille. Ils ont souvent, effectivement, comme le disait Laurence Fontaine, et encore aujourd'hui, ils ont des liens familiaux. Ils sont aussi reliés entre eux, parce qu'il y a une très grande sociabilité des vagabonds hier, des sans-abri aujourd'hui. Ils vivent en bande, ils s'organisent, ils s'entraident même pour faire des mauvais coups, pour aller voler. Ils se donnent les bons coins pour aller dormir, pour aller demander l'aumône à tel endroit, etc. Il y a tous les liens de la charité qui les relient profondément à la société, des œuvres de charité d'hier aux associations d'aujourd'hui qui font des maraudes, de l'hébergement, des accueils de jour, etc. Et puis, ils travaillent. Il y a cette image du chiffonnier. Le chiffonnier, c'était un des grands travailleurs des rues hier, qui a été un métier qui était très longtemps prégnant. En 1950, dans les années 50, quand l'abbé Pierre essaye de trouver des revenus à ses compagnons, il essaye de faire encore du chiffonnage et il ne peut pas être chiffonnier des rues parce que la place est encore occupée par les chiffonniers. Donc les chiffonniers, c'était encore hier, à l'époque de nos parents, grands-parents. Ceux qui ramassent tout ce qui est dans la rue pour essayer d'en faire quelque chose, ou le revendre. Voilà, alors le chiffonnier, en fait, il y a trois types de ressources. Ou bien on ramasse ce qui est dans les poubelles, donc on le ramasse au crochet. Et puis il y a tout un système hiérarchique suivant la rue auquel on a droit. Si on passe le premier, pas le premier, le matin, pas le matin, etc. Il y a toute une hiérarchie parmi les chiffonniers qui est un métier extrêmement organisé, structuré. Donc ça, c'est chiffonnier. D'autre part, on peut faire la bif sur le tas. Alors la bif sur le tas, c'est les champs d'épandage, en fait. C'est les champs d'épandage, ce qui les décharge, en fait. des agglomérations. Et puis, on peut faire la Chine. Et c'est d'ailleurs ce que l'abbé Pierre a choisi de faire, puisqu'il ne pouvait pas faire la Bif parce que c'était déjà pris. La Chine, c'est les caves et les greniers. C'est la récupération, non pas des vieilles choses qui sont dans les poubelles, mais des choses qui ne sont pas souillées. Et toujours sur cette idée du travail, il faut rappeler qu'à la dernière enquête INSEE en 2012, un tiers des personnes sans domicile avaient un travail. Donc c'est-à-dire que ces gens, ils sont profondément reliés encore à la société par les attaches familiales, par les attaches charitables, par les prestations sociales et puis par le travail. Vivre ou survivre, histoire des métiers de la rue. Que sont donc devenus la ramailleuse de bar, le crieur de journaux et la loueuse de chaises? Où donc se sont perdus la cardeuse de matelas, l'aiguiseur de couteau et le sucreur de fraises? Qui donc les a revus, le vendeur de mourants, la porteuse de pain et le montreur de vue? Ils ont bien disparu, le grilleur de marrons, l'écorcheur de lapins et le chanteur des rues. Que sont donc devenus la faiseuse d'embarras, la cordeur de violon et la teneuse de jambes? Où donc se sont perdus la liseuse de drap, l'ensommeilleur de plomb et le violeur de gambes? Qui donc les a revus, l'écriveur de tartines, la vorteuse de choux et le fouteur de guignons? Ils ont bien disparu, le lâcheur de vitrine, la bourreuse de mou et l'encaisseur d'oignons. Que sont donc devenus la toucheuse de bœufs, l'enjoliveur d'obus et le pinceur de louches? Où donc se sont perdus le dénoueur de nœuds, la torcheuse de cul et l'enculeur de mouches? Qui donc les a revus, le dépendeur d'andouilles, la mangeuse de santé et l'étouffeur de vent? Ils ont bien disparu, la gonfleuse de couilles, le démorveur de nez, les trieuses de glands, la tripoteuse d'acné, le faiseur de mauvais sang, la fileuse de diarrhée. Et l'écarisseur d'enfants. Hommage au petit métier de la rue par la sublime Juliette Noureddine dans Le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares avec aujourd'hui à la technique Grégory Wallon. Cette histoire qui nous conduit à réfléchir à ceux, à celles qui vivent dans la rue a un écho pour les temps présents, Laurence Fontaine. Vivre pauvre, quelques enseignements tirés de l'Europe des Lumières, hein, c'est l'essai que vous publiez chez Gallimard. Vous êtes historienne, directrice de recherche à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous êtes partie d'un document qui nous conduit à Châlons en 1777. Qu'est-ce que ce document ? En fait, comme l'a rappelé Axel, cette politique de répression de la mendicité n'a donné aucun effet. Et du coup, l'État, et il y a aussi tout ce courant un peu plus éclairé, qui ont plus d'empathie pour le peuple et qui est en train de passer de la condamnation morale à une condamnation économique. En fait, on passe à la question sociale. Et du coup, ils se sont dit qu'ils allaient demander à des hommes plus éclairés de la société de les aider à essayer de résoudre cette question de la mendicité qui est absolument envahissante et qui ne fait que grandir. Et donc, il y a toujours eu dans les académies de province des académies qui ont été fondées, mais les intendants se sont mis, à partir de la seconde moitié du XVIIIe, à poser des questions plus sociales. Et à Châlons, précisément, Châlons-sur-Marne, l'intendant a posé cette question: comment éradiquer la mendicité en rendant les mendiants utiles à l'État et sans les rendre malheureux? Et ça a été en fait le concours du siècle. 125 personnes ont répondu, des mémoires entre 4 et 450 pages. Alors que tous ces concours attirent au maximum 40 personnes, en général une dizaine de noms. Et donc, ce travail sur ces 125 mémoires est une plongée extraordinaire dans la pensée des élites moyennes, parce que ce sont des notaires, des petits commerçants, des militaires, des petits ecclésiastiques. Il y a très peu de grands noms qui ont répondu à ce concours de Chalon. Et c'est une forme d'expertise de l'État. Que l'État acquiert auprès des populations. L'historienne que vous êtes, Laurence Fontaine, en lisant bien toutes ces réponses à ce concours de 1777, trouve non pas des éléments de réponse applicables aujourd'hui, mais des éléments de réflexion qui traversent les temps, sur le regard porté sur la pauvreté, ceux qui vivent dans la rue. Oui, il y a quantité de choses qu'on retrouve aujourd'hui. Bon, il y a déjà la cause principale de la pauvreté que donnent les populations. Bon, outre ce sont tous des paresseux, il y a la prise de conscience aussi vraiment réelle, avec des analyses précises, que les salaires ne sont pas suffisants pour faire vivre les personnes. Et donc, ils donnent toute la liste de qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et là, on se rend compte. Les femmes, elles gagnent assez d'argent pour se nourrir, pas pour se vêtir, et certainement pas pour élever leurs enfants. Donc, il y a une prise de conscience là. Maintenant, l'autre point fondamental, c'est l'inégalité. Ils décident ils se rendent compte que c'est l'inégalité, mais d'abord l'inégalité de statut. Ce sont ces aristocrates opposés au peuple. Mais il y a bien sûr l'inégalité économique qui commence à poindre. Et donc ça, c'est une réflexion qui est encore particulièrement d'actualité. L'autre chose qui est très intéressante, c'est de se rendre compte, c'est de mesurer l'extraordinaire intelligence et richesse des classes populaires pour essayer de joindre les deux bouts. Et on retrouve tout ça aujourd'hui. On retrouve l'intérêt pour le marché. On retrouve la culture des petites céréales, de légumes, de petits vergers, de petits jardins, pour essayer de s'en sortir quand il y a des crises. On retrouve Airbnb. On retrouve tout cet éventail de débrouillardise que les gens menaient. Et aussi, il y avait un art de la solidarité, parce que c'est aussi des sociétés où, si l'État commence à défaillir, eh bien les gens ont besoin de compter les uns sur les autres et de cultiver cet art de la solidarité, de céder, parce que on aura peut-être besoin aussi un jour de céder. Et puis on voit aussi à cette époque poindre des droits. Le premier droit qui émerge, c'est le droit à la vie. Au point que, s'il y a une émeute, des pillages, les juges seront beaucoup plus... Enfin, pardonneront à celui qui a pillé, si on se rend compte qu'il a pillé pour nourrir sa femme et ses enfants, ou même pour survivre. Donc ce droit à la vie qui s'installe, dès saint Thomas d'Aquin d'ailleurs, au Moyen-Âge, se développe. Et puis il y a une discussion, est-ce que... Puisqu'ils ont donné leur travail, peut-être qu'ils ont droit à l'assistance. Toutes sortes de droits. Et vient poindre, ce qui est quelque chose qui serait encore très actuel, le droit à l'affection, à la tendresse. Ces gens ont aussi besoin d'avoir de l'estime d'eux, de la tendresse, tout un ensemble de politiques qui est bien loin du chiffre avec lequel on catégorise les pauvres. Et puis les sanctions sur la pauvreté, c'est vrai que ce concours de l'Académie des sciences, arts et belles-lettres de Chalon-sur-Marne en 1777, c'est formidable pour étudier les représentations d'une partie de la société sur ceux qui vivent dans la rue. Axel Brodier-Dolino, mais en fait, on a vraiment un jeu constant d'évolution des représentations qui va, vous nous l'avez rappelé, de la sanction, mais extrêmement violente, contre les vagabonds, à l'idée d'assistance. Mais là encore, évolution dans le temps qui n'est pas la même là où on se place dans la société. Si l'on est dominant, classe moyenne, le regard n'est pas le même, et c'est quelque chose de très lent, ce mouvement-là. Oui, c'est très lent. Alors, il faut aussi rappeler, parce qu'en fait, on l'a pas dit, qui sont les personnes en situation de pauvreté, en fait, et les personnes à la rue en particulier, puisque ça nous concerne ici au premier chef. Il y a deux grandes causes, c'est les questions de santé et le manque de travail. Les questions de santé, c'est être vieillard, être infirme, être en situation de maladie psychique. Il y a beaucoup, les fous, les instables, on les enferme pas toujours et ils n'ont pas vraiment leur place sur le marché du travail, c'est des petits métiers. Donc ça, c'est un facteur majeur de pauvreté et de vagabondage et de mendicité qui va beaucoup changer quand arrivera la protection sociale. J'y reviens dans un instant. Et l'autre facteur, c'est le manque de travail. Et la conjoncture, André Guélin, qui est un historien de la pauvreté, a eu cette très belle formule, l'errance est un sismographe de la conjoncture. En fait, à chaque période de cherté, de disette, de crise économique, on voit une masse de gens qui tombent dans la pauvreté, notamment quand n'existe pas encore la protection sociale. Donc, il va y avoir une lente prise de conscience, on l'a dit, de l'inanité de la répression. Ça ne sert à rien d'enfermer les gens quand ça ne sert à rien. Si on ne soigne pas, si on ne donne pas un travail, on résout rien. On ne touche pas aux causes, en fait. Juste, on met un pansement social, on met un couvercle sur un phénomène qu'on ne veut pas voir et qu'on ne sait pas traiter. Et le grand tournant, c'est la mise en place de la protection sociale qui, effectivement, fait passer de la répression à l'assistance en cette fin du 19e siècle où on se rend compte avec la crise économique, mais avec aussi les résultats nuls de la répression, qu'il faut changer de paradigme. Et à partir de 1893, on a les premières lois d'assistance, d'abord aux indigents malades, après en 1905 aux vieillards, aux infirmés incurables, en 1904 aux enfants assistés, en 1913 aux femmes en couche, aux familles nombreuses. Donc il va y avoir un filet de sécurité, mais qui, comme vous dites, va être lent à être mis en place, et puis va être très progressif. Lent et progressif et faible. Au début, les pensions, en fait, elles permettent pas du tout de survivre, mais c'est quand même quelque chose, et ça participe du changement de mentalité. Et donc, on va construire l'assistance pour les personnes qui n'ont pas de revenus, qui ne peuvent pas travailler, et parallèlement, l'assurance, qui est l'autre volet fondamental de la protection sociale, pour ceux qui travaillent, pour les prémunir du risque de tomber un jour dans la pauvreté. Et là, les grandes lois, c'est 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes, c'est les assurances sociales dans l'entre-deux-guerres, c'est la sécurité sociale, évidemment, en 1945. Et puis, après-guerre, on pense que l'assistance va disparaître avec la pauvreté, et en fait, elle ne disparaît pas. Et du coup, il y a une nouvelle salve de lois d'assistance en faveur des aveugles, les lois sur le handicap de 1975, l'allocation parents isolés pour les femmes seules, etc. Donc tout ça, c'est des changements progressifs de mentalité, mais jusqu'en 1988, en fait, il n'y a pas de revenus pour les personnes qui sont les ancêtres de la catégorie des mauvais pauvres, ceux qui, en fait, sont des valides et qu'on voudrait voir travailler mais qui n'ont pas de travail. Et là, du coup, on a parlé du changement de paradigme fondamental de la fin 19e siècle, mais il y a un autre changement de paradigme fondamental qui est pile un siècle plus tard, c'est le RMI en 1988, qui instaure pour la première fois en France un droit au revenu pour toute personne, quelle qu'elle soit. Donc c'est vraiment une reconnaissance de la société que le chômage n'est pas choisi, mais qu'il est subi, que c'est une faute, c'est la société qui en est responsable, et qu'elle doit assistance à ses citoyens les plus malheureux, quasiment sans condition. Donc vous voyez qu'on est sur des transformations très très lentes, des changements à la fois de mentalité, de politique publique, et des changements pénaux, puisque après le RMI, on a donc en 92-94 la dépénalisation du vagabondage et de la mendicité, qui était devenue totalement anachronique et qui pourtant persistait. Donc c'est vraiment l'histoire très longue qui nous permet de comprendre ça. Et il faut vraiment avoir à l'esprit qu'il faut toujours articuler la question économique, la question du travail, avec la question de la santé, la question de la capacité des gens et le regard qu'on porte sur eux. Ça serait tellement confortable, on parlait tout à l'heure, on le voyait. En fait, ces pauvres sont des riches, c'est des mendiants qui ont thésaurisé plein de... l'image du faux infirme ou du faux riche, c'est un topos. Et non, en fait, c'est des représentations sociales. Des représentations sociales et dans le même temps des stéréotypes. Stéréotypes du pauvre, du mendiant, du vagabond. Et on sait bien combien ces stéréotypes ont eu du succès au 19e siècle et encore au 20e et sans doute aujourd'hui encore. Et parmi ces stéréotypes, il y a la chanteuse de rue. Écoutez, c'est Odette Laure, la comédienne, qui se souvient d'Édith Piaf. Précisons bien que je parle de quelqu'un qui n'a pas de nom. je parle d'une chanteuse des rues. Quand certains dimanches, la chanteuse, entre guillemets, c'est ainsi que nous l'appelions dans ma famille, descendait l'avenue Gambetta, on peut dire qu'on l'entendait à mi-station de métro. Dans toutes les maisons, sans rime ni raison, l'on chante à pleine voix. On l'entendait avant de la voir. Tellement la voix était forte, métallique, puissante. Et puis alors, elle avait dû repérer que le coin était bon. Elle pénétrait dans le petit bout de la rue Henri Poincaré, c'est-à-dire juste sous nos fenêtres. Elle chantait, on lançait des sous, et c'était une autre petite jeune fille qui les ramassait. Et je me suis rendu compte que dès qu'elle avait quitté la rue, elle ne chantait plus. Tous les désenchantés qui pleuraient sans raison pour apprendre à chanter venaient tous habiter dans la rue aux chansons. Edith Piaf, chanteuse de rue, c'est Odette Laure hein, qui parlait en 1973, Laurence Fontaine. Mais c'est vrai que la rue a tellement changé, plus du tout le même objet. Oui, mais surtout d'entendre cette chanteuse de rue fait penser à un aspect qu'on n'a pas suffisamment développé jusqu'à présent, qui est la rue comme divertissement. La rue, les bruits de la rue et la rue comme divertissement. Tous ces petits marchands se créent des personnages. Finalement, ils ont plus à vendre du spectacle que des denrées, que quelque chose. Donc il y a tous ces cris, on connaît tous les cris des marchands, mais il y a aussi les acrobates, les montreurs de marmottes, celui qui dévide ses boissons avec des vêtements absolument inouïs, des galons, des grelots. La rue est un spectacle, un divertissement. Il y a des nouvelles, on crie les nouvelles, on chante. Là, elle chante une chanson plus ou moins d'amour ou quelque chose, mais à la veille de la Révolution, on chante les nouvelles idées, tous ces ponts neufs, comme les appellent les censeurs, qui voudraient les discipliner. Et il y en a un qui dit, tant qu'on n'a pas été chansonné, on n'existe pas politiquement. Donc il faut voir aussi cet aspect du divertissement, de la chanson, de la politique qui se mêle, et du bruit de cette rue. Oui, parce que c'est une rue très vivante, Axel Brodier-Dolino. Et ce que ça nous dit aussi, c'est une autre facette qu'on n'a pas encore évoquée non plus, c'est l'humiliation que ça représente de devoir mendier. Et donc du coup, offrir quelque chose en échange, là elle offre sa chanson, mais dans les années 80, on offrait des journaux de rue, alors que personne les lit, ces journaux, on sait très bien, mais on les vend. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une façon de briser l'humiliation. Vous imaginez, quand vous êtes en situation de mendicité, vous êtes en situation d'humiliation à tout point de vue, c'est-à-dire humiliation, étymologiquement, c'est humus, c'est le sol. Vous êtes en bas, les gens qui vous donnent sont en haut. Il y a ce dicton qui dit « la main qui donne est toujours supérieure à celle qui reçoit ». Et physiquement, spatialement, c'est même vrai. C'est-à-dire que vous voyez le monde d'en bas, vous êtes obligé d'être humble, de faire profil bas. Toutes ces expressions disent ce que c'est d'être en bas, d'être à la rue. Et puis vous êtes profondément dépendant de ce qu'on va vous donner ou pas vous donner. Et des fois même, quand on se dit « oh bah je vais pas donner de l'argent, je vais aller acheter un sandwich à la personne », mais en fait c'est pas mieux, parce que c'est encore plus humiliant. La personne n'a même pas l'usage de l'argent qu'elle pourrait avoir. Vous allez lui acheter un sandwich au jambon, elle en voudrait peut-être un au poulet. Vous allez lui acheter quelque chose qu'elle ne pourra pas manger parce qu'elle n'a pas de dents, parce qu'elle voudrait plutôt quelque chose de chaud alors que c'est froid, etc. C'est-à-dire qu'en fait, et des fois, en fait, les gens voudraient tout simplement un livre, par exemple, à la rue, parce que juste, la rue, il faut tuer le temps, c'est mortifère à tout point de vue. Donc, en fait, inventer un métier de rue, c'est aussi briser cette humiliation et inventer un espèce de contre-don au don qu'on va vous faire, alors qu'il est même en amont du don qu'on va vous faire. En fait, du coup, il est presque inversé. On vous donne, vous proposez un service, un journal, une chanson, en échange. Du coup, le don contre don s'inverse. C'est vous qui allez donner l'aumône, qui remerciera pour le service que la personne vous a proposé. En fait, c'est inventer une logique de réciprocité quand on n'a rien.